Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Natacha Trioux. Les cold cases, ce sont ces affaires criminelles qui ne sont pas encore élucidées. Avec les récents progrès de la science, comment la criminalistique aide-t-elle à résoudre ces affaires, qu'elles soient historiques ou plus récentes ? Comment établir que Saint-Louis est mort du scorbut et non de la peste ? Que le crâne momifié d'Henri IV, conservé dans un coffre de banque, appartient vraiment à Henri IV ? Ou encore que les restes de Jeanne d'Arc sont en fait des fragments de momies égyptiennes ? Les avancées en médecine légale et en sciences criminalistiques permettent d'élucider les enquêtes en cours, mais aussi de revisiter l'histoire. L'arsenal des outils de la police scientifique ne cesse de s'étoffer. De quoi peut-être rêver un jour d'un monde sans cold case ? Cold case, la science aux trousses. François Daous, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et du pôle judiciaire. Vous dirigez le centre de recherche de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale ainsi que la Forensic School de l'Université de Cergy-Paris. Et vous venez de publier aux éditions du Rocher, Police technique et scientifique, le choc du futur. Nous sommes en ligne avec Philippe Charlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, archéologue et anthropologue. Vous dirigez la mission de préfiguration du futur musée Sciences et Histoire pour l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Et vous êtes l'auteur, entre autres, de l'ouvrage Autopsie des cœurs célèbres, paru aux éditions thaïlandaises en 2023. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur Twitter, @sciencesqfd, avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors, quelles ont été les technologies de rupture qui ont permis de résoudre des crimes ? Quelles sont les techniques de pointe qui permettent de faire progresser les enquêtes ? Pourquoi, dans certains cas, les sciences criminalistiques butent-elles ? Et quelles sont les avancées à venir ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec une présentation des techniques et des méthodes de la police. Nous sommes en 1950, c'est notre archive du jour. Nous avons à l'identité judiciaire, à côté de nos sections scientifiques, des sections administratives. Ce sont les fameux classements de Bertillon qui ont été créés en 1882 et qui constituent l'assemblage, la réunion de tous les individus condamnés en France depuis cette époque. Eh bien, avec les méthodes anthropométriques de Bertillon, il fallait parfois 2 jours pour faire une recherche. Lorsque l'on a substitué les empreintes digitales aux mesures anthropométriques, ce temps a été réduit à parfois 3 ou 4 heures, 5 heures, 6 heures au maximum. Nous avons repris cette étude. Nous avons fait une étude mathématique systématique du problème et nous avons pu ainsi mettre sur pied une méthode de recherche qui est en cours de réalisation, qui transformera nos classements de telle sorte que, lorsqu'elle sera réalisée dans un délai qui, évidemment, atteindra plusieurs années, peut-être 2 ans, eh bien, nous permettra de faire une recherche en 1 ou 2 minutes. Voilà la voix de Francis Raoul, directeur du cabinet du préfet de police diffusé sur la RDF. Philippe Charlier, on est en 1950 et déjà, on l'entend, les techniques évoluent vite. Et oui, déjà en 1950, on essaye de faire feu de tout bois et dès qu'on a une nouvelle innovation technologique, si on peut dire, on essaie de l'appliquer à la résolution des crimes. C'est toujours la même chose. Quelques années, plutôt dizaines d'années plus tard, quand on va mettre au point les techniques génétiques moléculaires, donc l'identification de l'ADN ou de ses fragments, eh bien très très vite, ça va passer des sciences fondamentales à la criminologie pour l'identification à la fois des victimes, mais également des auteurs des faits. Et puis, dans le même temps, eh bien, il faut être audacieux, la science médico-légale va aussi s'appliquer aux restes humains anciens, et notamment aux squelettes ou aux momies qu'on retrouve dans les fouilles archéologiques. Donc, il y a une sorte de passage très très rapide du laboratoire, la recherche fondamentale classique, ensuite très vite la police, la justice, et très vite ensuite l'archéologie et ce qu'on a appelé la paléopathologie, c'est-à-dire la médecine légale de l'histoire. François Daoust, votre réaction également à cette archive, on entendait parler des méthodes mises au point par Bertillon. Oui, alors c'est l'anthropométrie judiciaire qui a été mise au point par Bertillon, pas les empreintes digitales. Il a été même un petit peu réfractaire, il a fallu attendre sa mort pour qu'on remplace le système de l'anthropométrie judiciaire qui permettait de classer toutes les personnes qui avaient été gardées en vue ou condamnées à un classement par les empreintes digitales. Et les empreintes digitales, où on a l'impression que c'est finalement quelque chose du passé, est toujours présente, elles sont toujours là, efficaces, et elles ont encore de nouvelles choses à nous dire. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça travaille pour le passé. Et là, je pense que le docteur Charlier y reviendra notamment pour les momies, parce qu'on retrouve leurs empreintes digitales. Elles sont toujours intactes, si la momie n'est pas abîmée, bien sûr. Et actuellement, eh bien, une recherche par les empreintes digitales, dès lors qu'elles sont prélevées et mises dans le fichier automatisé des empreintes digitales, la réponse peut se faire presque immédiatement. Pour un petit rappel historique, 1901, c'est l'ouverture du premier fichier d'empreintes digitales à Londres par Sir Edward Henry, inspecteur britannique. Petit complément historique également, le premier labo de police scientifique du monde est ouvert en 1910 par Edmond Locard à Lyon. Vous faites bien de me corriger, François Daoust. Voilà, Edmond Locard à Lyon dans les combles du palais de justice, bien 1910, mais il arrive un an après son camarade Rodolphe Archibald Reiss, qui en 1909 a ouvert à Lausanne, au sein de l'université, le premier laboratoire de criminalistique. Merci pour cette correction. Philippe Charlier, on parle de criminalistique, mais aussi de science forensique. Quels sont les domaines regroupés dans cette science? Eh bien, c'est ce qui peut faire parler les preuves. Tout ce qui peut faire parler autant les traces sur une scène de crime ou une scène de disparition de corps, par exemple, mais également tout ce qui est, à proprement parler, un petit bout ou la totalité de la victime, voire éventuellement les objets qui ont pu servir à faire d'une victime un cadavre, je peux dire, ou quelqu'un de passablement abîmé. Donc c'est autant l'identification des traces de sang, par exemple, la caractérisation de quelques dépôts qu'on peut mettre en évidence, ce peut être évidemment l'identification et la description des empreintes digitales, et puis également tout ce qui est anthropométrie au sens balle du terme. On est à cette fin du 19e siècle et début du 20e siècle dans une mouvance où on va essayer de prévoir le crime. Il y a d'un côté, évidemment, une fois que le crime est survenu, eh bien, il faut trouver le coupable, bien évidemment, mais on va essayer de le prévenir et on va faire, on vient d'évoquer à l'instant Bertillon et son bertillonnage avec ses clichés anthropométriques, notamment qui sont faits des victimes, bien sûr, mais aussi des auteurs des faits, et on va essayer de dire si telle ou telle personne est un criminel potentiel, c'est-à-dire qu'il a fait un petit crime, un petit larcin, mais est-ce qu'il peut aller loin dans l'avenir? Et peut-être, dans ce cas-là, ça pourrait nécessiter soit une surveillance particulière, soit même peut-être des emprisonnements préventifs, entre guillemets. Et ça, on rentre dans une théorie qui a été décrite notamment par, j'ai peine à dire, notre ancien collègue Lombroso, Cesare Lombroso, qui était actif à Milan et à Turin, donc en Italie du Nord, et ça a pu donner des égarements, on va dire, théorie qui était particulièrement extrême, et puis ça a aussi inspiré certains auteurs de science-fiction, notamment Philippe K. Dick, quand il a écrit Minority Report. C'est directement fondé sur cette idée de la prévention d'un crime futur avec des emprisonnements préventifs. François Daoust. Oui. Eh bien, écoutez, là, je rejoins tout à fait le docteur. La science forensique, ce sont tous les domaines scientifiques mis au service de la justice en vue de la manifestation de la vérité et de l'interprétation de la trace sur une scène, quelle qu'elle soit. Alors on peut parler à présent maintenant des outils plus spécifiques de la science forensique actuelle. Il y a eu des révolutions notables qui ont permis à cette science de faire des bonds en avant. François Daoust, on peut parler de l'arrivée du numérique. Ça a constitué une révolution en matière de traces. Ah oui, parce que actuellement sur une scène de crime, quelle qu'elle soit en extérieur ou en intérieur, il y a plus de traces numériques que de traces matérielles laissées par l'action criminelle proprement dite. Bon, exception faite, bien sûr, des zones blanches sur notre territoire ou géographiquement, ou d'un certain massif montagneux, mais à part ça, le numérique nous a envahis, nous sommes addicts au numérique pour plein de raisons, ce qui fait que, en permanence, nous laissons des traces de notre passage, et ces traces vont être étudiées par les experts, et derrière, elles vont être rebattues par les enquêteurs. Mais plus précisément, quels sont les nouveaux domaines exploitables qui sont apparus avec l'arrivée du numérique et des objets connectés pour la résolution d'affaires criminelles ? Bien, tout objet connecté. Par exemple, quand on rentre dans une scène de crime maintenant, ce que j'enseigne, que ce soit aux futurs techniciens, experts, etc., c'est surtout de laisser son téléphone portable loin de la scène de crime. Pourquoi ? Parce que vous rentrez dans une maison, quelle qu'elle soit maintenant, où la domotique et les objets connectés ont des mémoires tampons et leur première façon de réagir à ces objets dits qui sont connectés, c'est d'essayer de communiquer entre eux. Donc, un autre élément matériel qui communique comme un téléphone arrive sur une scène, tous les objets vont essayer de se parler nativement et s'il n'y a pas de réponse, ils vont rester, mais ça efface la petite mémoire au tampon qui est dans l'objet. Donc, si on arrive, on va effacer peut-être la trace du précédent, qui peut être le meurtrier, qui est lui-même rentré sur cette scène. Donc, on voit bien que tous ces objets connectés ont beaucoup de choses à nous dire, et on commence à avoir des cas qui sont résolus grâce à ces objets connectés. Je pense notamment à une affaire aux USA, où c'est un féminicide, le mari dit qu'ils ont été agressés, et il raconte tout un scénario, les policiers le retrouvent attaché sur une chaise, mais ils comprennent pas trop pourquoi lui, il est vivant et son épouse a été tuée. Ils donnent le décompte et l'horaire du découpage, de l'agression et du décès, sauf que ça ne correspond pas à l'heure de l'arrêt du cœur de cette dame, puisqu'elle avait une montre à suivi de forme et qui a noté l'arrêt cardiaque à une heure précise, qui n'était pas celle donnée par le mari. On verra que le problème avec le numérique, c'est qu'on a en effet des tonnes de données, qu'on se frotte à des limites de capacité de calcul, tellement il y a de la donnée. Pour continuer de parler de ces évolutions et de ces outils, Philippe Charlier, on peut parler également de l'évolution de la balistique forensique. Oui, la balistique forensique, elle évolue beaucoup, notamment avec l'utilisation. Alors, je vais vous citer deux choses différentes. La première, c'est l'imagerie, qui devient vraiment de plus en plus précise, c'est-à-dire le scanner médical. On évite les IRM dans ce contexte-là, parce que ça risque de mobiliser un tout petit peu l'ogive. Mais tout ce qui est radiographie, on va dire en X, est de plus en plus fin, de plus en plus précis, et nous renseigne de plus en plus sur le trajet interne, si on peut dire, des objets qui ont pénétré l'intérieur du corps. L'autre chose aussi, c'est une nouvelle discipline qui est vraiment en train d'émerger, à la fois en archéologie, anthropologie, mais aussi en médecine légale, et forensique donc, c'est la protéomique, c'est-à-dire l'identification de toutes les protéines qui composent un échantillon. Et là, quand on parle de données monstrueuses, c'est vraiment des données monstrueuses. Imaginez, sur une tête d'épingle, la quantité astronomique de protéines qui peuvent s'y retrouver. Je vais vous donner un exemple pratique qui est également balistique, qui vous montre l'intérêt de cette technique. Il y a une table qui est conservée aux Archives nationales à Paris, qui est prétendument la table sur laquelle aurait été étalé Maximilien Robespierre, le 28 juillet 1794, c'est 9 thermidor, quand un gendarme lui a tiré dessus, projectile entrant par la bouche, ressortant par la joue du côté gauche, et il va agoniser sur cette table pendant plusieurs heures, et le lendemain, on le décapite. La légende disait, et c'est vrai qu'il y a une tache un peu marronâtre, si on peut dire, sur le cuir qui recouvre cette table, et la légende disait que c'était le sang de Robespierre. On avait déjà fait un premier examen dessus, on avait gratté un tout petit peu, examiné sur le plan génétique, et le seul ADN qu'on avait retrouvé, c'était de l'ADN de chèvre. C'est moyennement compatible avec Robespierre. En fait, c'était tout simplement l'ADN du cuir qui composait cette couverture. Voilà. Et là, on pouvait pas dire grand-chose. On est quand même un peu tenace. Et du coup, on a cette fois-ci fait une analyse en protéomique. On retrouve à nouveau de la kératine de chèvre, en l'occurrence, donc des protéines de la peau de la chèvre, bon, décidément. Mais surtout, on a trouvé d'autres protéines qui sont hyper intéressantes. De l'hémoglobine et de l'hémoglobine humaine, mais également des protéines qui sont présentes dans la langue, dans les glandes salivaires, dans les larmes, dans le liquide céphalo-rachidien, dans le muscle et dans la peau humaine. Et bien ça veut dire que ces protéines, non seulement nous confirment le fait que quelqu'un, un homme, a saigné au niveau de cette table, donc c'est vraiment du sang humain, c'est pas du café, c'est pas du thé, c'est pas du cacolac ou du viandox, si vous voulez, mais ça nous renseigne également sur tout le trajet lésionnel interne qui a été causé par ce projectile et qui a laissé des traces protéiques qui sont sorties du volume corporel, qui ont laissé ensuite leurs traces au sein du maroquin verdâtre qui recouvre cette table. Et on voit même qu'il a saigné et il a pleuré, et il a dû avoir aussi une fracture de la base du crâne, puisqu'on retrouvait également un petit peu de liquide céphalo-rachidien. Donc on a confirmé une légende, et en plus on a précisé, sans aucun cadavre, juste avec une tache qui fait 40 cm de diamètre, eh bien toute la balistique lésionnelle interne de Robespierre en 1794. Voilà ce que donnent les progrès de la balistique et de la protéomique, qui est une technique récente. François Daous, on évoquait un instant, donc en effet, cette nouvelle forme d'autopsie qui a été mise en place à la fin des années 2000, la virtopsie, quelle est la différence avec une autopsie classique et justement l'importance de ces techniques d'imagerie pour concevoir, reconcevoir le protocole de l'autopsie? Bien, comme je disais le docteur, c'est l'imagerie médicale sous toutes ses formes, avec la même réserve pour l'IRM, parce que tout ce qui est métallique au sein d'un IRM peut entraîner des dégâts à l'IRM lui-même, et puis faire bouger effectivement tout ce qui peut être métallique à l'intérieur du corps. Donc, transformer les traces et la balistique lésionnelle et terminale à l'intérieur du corps avec les cavités, les cavitations, les néquets, etc., tout ce qu'il y a derrière. Donc, la virtopsie, c'est arriver, et y compris à refaire le cheminement de tout l'ensemble du réseau des artères, des veines, de manière avec l'injection de liquide de contraste qui permettra de voir où sont exactement les lésions, où se situent les éléments étrangers à l'intérieur du corps, et refaire une balistique sans avoir, comme c'était fait à l'époque, une découpe à l'ancienne. Bon, il y a toujours la découpe, ça je laisserai le docteur en parler, il en parlera bien mieux que moi, qui permet de rentrer dans des détails et une reconstitution de ce qui a pu être fait dans le lésionnel à l'intérieur du corps. Et quand on travaille sur un corps historique, aujourd'hui on ne peut plus se passer de l'imagerie. Alors que permet la médecine légale appliquée à l'histoire et aux figures historiques? Quelles sont les applications des techniques de criminalistique pour résoudre des affaires sur des corps anciens, sur les cold cases du passé? Restez à l'écoute. France Culture. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, avec François Daoust et Philippe Charlier, nous parlons des affaires criminelles non classées, des cold cases et de ce que peut la science pour les résoudre. On vient de parler de l'évolution des sciences forensiques, de la science forensique, qui se poursuit aujourd'hui avec de nouvelles techniques d'investigation et l'émergence de nouveaux outils. Philippe Charlier, vous avez réalisé des autopsies pour des cold cases à la demande de la justice, mais on vous connaît surtout pour vos analyses de restes de grandes figures historiques. Nous avions, alors il y a l'affaire Jeanne d'Arc dont on peut parler ensemble, hein, nous avions des bouts de côte humaine visiblement brûlés, mélangés à des bouts de bois et de tissu qui avaient été présentés dans un bocal en 1867. C'est le fameux bocal de Chinon qui portait la mention « Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne d'Arc, Pucelle d'Orléans ». Et vous, Philippe Charlier, vous avez montré que ces morceaux sont en fait des fragments de momie. Concrètement, comment avez-vous fait ? Alors, c'était un long processus. Le premier examen qu'on a réalisé, alors c'est un examen qu'on pratique pas habituellement en médecine légale, du moins pas de façon classique, c'est que j'ai fait venir des nez de parfumeurs. Jean-Michel Durier, de la maison Jean Patou et Rochas, et Sylvaine Delacourte, de la maison Guerlain, parce que je m'étais rendu compte, en médecine légale, de l'importance des odeurs de certains cadavres pour nous orienter dans telle ou telle direction, notamment toxique. Mais là, on était dans une autre dimension. Là, c'était des restes qui sentaient très, très fort. Et je voulais, avec cette odeur vraiment qui s'était concentrée dans le reliquaire pendant quasiment une cinquantaine d'années, eh bien, je voulais qu'il le respire et qu'il m'oriente un tout petit peu sur le plan moléculaire dans une direction. C'est pas un examen qui est scientifique au sens balisé et retenu par la science avec des calculs savants. C'est autre chose. C'est plus une orientation et surtout une notation d'information. Et donc, ils ont senti quelque chose qui ne sentait pas le brûlé, déjà, ce qui est extrêmement important, et qui sentait plus la vanille étant une odeur de décomposition et de putréfaction. Et ça, M. Daous Proust a probablement senti déjà ce genre d'odeur à l'occasion d'une autopsie ou d'une, ou d'une levée de corps. Et voilà, c'est paradoxalement, parfois, ça peut sentir bon, mais voilà, j'insiste, c'est paradoxal. Et puis ensuite, eh bien, on a fait les examens classiques quand on a des fragments, et c'est vrai qu'extérieurement, dans ce petit bocal, ça ressemblait vraiment à des restes qui auraient pu être crémés, c'est-à-dire passés au feu, à une haute élévation de température pendant un temps prolongé. C'était noirâtre, avec des petits dépôts un peu grumeleux de surface. Et au fur et à mesure qu'on déroulait les différents examens systématiques, une datation carbone 14, un examen en microscopie, d'abord optique, puis électronique à balayage, quand ensuite on faisait des dosages d'éléments, puis de molécules, on se rend compte que rien ne collait avec une crémation d'un individu dans le premier tiers du 15e siècle, c'est-à-dire l'histoire de Jeanne d'Arc. On tombait sur, d'abord, pas que des restes humains, il y avait aussi un fémur de chat, il y avait aussi des petits fragments, non pas de charbon, mais de bitume, c'est-à-dire du pétrole dans sa forme visqueuse et dure. Et là, ça commençait à partir un peu dans une direction opposée à celle de reliques chrétiennes. En fait, c'était des fragments de momies égyptiennes. La datation à carbone 14 nous a montré que c'était des fragments qui dataient du 7e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là que c'était, pour être honnête, encore plus intéressant que si ça avait été les vraies reliques de Jeanne d'Arc. Parce que Jeanne d'Arc, c'est la mort la mieux documentée de tout le 15e siècle. On sait combien de crémations il a fallu pour elle, 3. On sait l'état du corps, on sait comment elle est morte, ses dernières paroles, son comportement. Tout a été noté avec le procès de réhabilitation où les témoins sont venus déposer. Mais en fait, ce que notre étude a montré, c'est que au moment dans la deuxième moitié du 19e siècle, lorsque à Orléans, le procès de béatification est en cours pour essayer de faire rentrer, de récupérer Jeanne et d'en faire une sainte, enfin d'abord une bienheureuse puis une sainte, eh bien il manque un petit peu de choses palpables. Et là, un apothicaire va piocher dans son apothicairie, dans sa pharmacopée, et va récupérer des fragments de momie égyptienne, de la mumia, fragments de côte humaine. C'est vrai, ça a un aspect noirâtre, mais en fait c'est les produits d'embaumement égyptiens, c'est du bitume. Et puis des fragments de chat, parce que y a aussi des momies de chat qui se baladent, et il avait tout ça dans son bocal. Et il a essayé de justifier, parce que déjà au 19e siècle, les gens ont dit, vous êtes gentil, mais un fémur de chat, comment vous expliquez ça dans les reliques de Jeanne d'Arc? Et il a dit, oui, mais c'est une sorcière, donc on lui a jeté des chats noirs pour se moquer du diable et conjurer le mauvais sort. Donc on jouait un peu, beaucoup, avec la réalité historique, et puis sur cette forfaiture scientifique, si on peut dire, ce mensonge, pour être honnête, ça a marché, la sauce a prise, si je peux dire, et elle a fini par être béatifiée, évidemment sur d'autres critères religieux qui, là, étaient beaucoup plus avouables. Donc ce qu'on a levé, en fait, nous, c'est un lièvre qui était vieux de 150 ans à peu près, c'est une escroquerie, on peut être honnête, mais de bonne foi, si on peut dire. Alors, non pas escroquerie, mais erreur historique peut-être. Il y a aussi l'affaire Saint-Louis, Philippe Charlier. On pensait que Louis IX, donc connu sous le nom de Saint-Louis, était mort de la peste devant Tunis lors de la 8e croisade en 1270. Mais vous avez aussi montré que ce n'était pas la bonne version de l'histoire. Oui, en fait, les textes, quand on les lisait, et là, beaucoup d'historiens et de spécialistes, même des maladies infectieuses, s'étaient penchés sur le cas Louis IX, Saint-Louis, et avaient montré que ce qui avait emporté Saint-Louis et une partie d'ailleurs de son armée et de sa suite à Tunis en 1270 ne pouvait physiquement et pathologiquement pas être la peste. C'était plutôt une pestilence, mais il restait en effet, comme vous dites, à identifier l'agent en cause, la bactérie, virus, parasite ou encore autre chose. Et on a eu la chance de travailler sur les viscères de Saint-Louis, c'est-à-dire sur les restes momifiés du roi, parce que il a fallu conserver une partie du roi, le ramener en kit, si je peux dire, à Paris, à la basilique Saint-Denis. Le cœur a été déposé à la Sainte-Chapelle, les viscères ont été laissés à Monréalais, à côté de Palerme, en Sicile, et puis les ossements bouillis, une sorte d'ossobuco royal, ont été mis dans une caisse et déposés à la basilique Saint-Denis. Et donc, je vous passe toutes les vicissitudes du corps de Saint-Louis, mais les viscères, finalement, sont arrivés à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, et là, on a pu les examiner. D'abord, au microscope, on a vu qu'il y avait des parasites des voies urinaires, mais qui n'avaient pas de rapport particulier avec lui. Puis on a continué à travailler, et on a mis en évidence des bactéries, capnicitophaga, vous avez le droit d'oublier le nom de ce germe, qui est extrêmement fréquent chez les personnes qui sont immunodéprimées ou qui ont un état de dénutrition ou de malnutrition, ce qui était le cas de Saint-Louis. Saint-Louis est parti quasiment avec dans un contexte de privation alimentaire. Il n'y avait pas assez de fruits, légumes et d'eau pour son armée. Il était obligé de s'arrêter chez Charles d'Anjou, son frère, le roi du royaume des Deux Siciles, pour recharger un petit peu les stocks. Le scorbut commençait à frapper et la mandibule de Saint-Louis, que d'ailleurs nous avons authentifiée, qui est présente à la cathédrale Notre-Dame de Paris, présente justement des signes de scorbut assez évidents au niveau des prémolaires et des molaires du côté droit. Et également des signes de surinfection. Et en fait, ce qu'on a là, c'est une suite logique que malheureusement on observe chez des patients qui sont diabétiques non suivis, chez des patients qui sont dénutris, malnutris, par exemple des migrants qui sont dans des conditions de survie extrêmement difficiles, des patients également qui sont cancéreux ou autres, qui font ce type d'infection. Et en fait, ce que Saint-Louis avait au niveau de la bouche, c'était quasiment l'équivalent d'une boîte de pétri. Il saignait dans la bouche, il avait les dents qui étaient branlantes. Jean de Joinville nous dit qu'il perdait des morceaux de gencives qui sortaient par sa bouche quand il parlait de temps en temps. Donc vraiment un état, malheureusement pour lui, assez déplorable sur les derniers jours de sa vie. Et puis, l'infection bactérienne s'est propagée au tube digestif et ça a fini par l'emporter. Donc non, ça n'est pas la peste. Bah écoutez, il va falloir réécrire ce petit détail mais qui a son importance dans tous les livres d'histoire. Vous aussi, François Daoust, avec l'IRCGN travaille également sur l'étude des restes humains anciens. Quelles sont les techniques récentes de criminalistique qui ont été utilisées pour élucider ces cold cases à l'ancienne? Alors, il y a plusieurs techniques. D'abord, il y a les techniques qui sont celles de médecine légale, et le docteur Charlier le sait, à l'IRCGN, il y a un plateau médico-légal où il y a des médecins légistes, ce qui est très important pour justement la continuité, et je pense que il sera d'accord avec moi, pour les échanges qu'il doit y avoir entre tous les experts des différents domaines. Le corps en lui-même est tellement porteur de traces et d'éléments indiciels qu'on a besoin, au-delà de la compétence du médecin légiste, de celle des experts qui vont traiter de chaque domaine. Donc ça, c'est la première chose. Il y a les anthropologues qui vont travailler sur, quand il ne reste que des os, un corps squelettisé, eh bien c'est toutes les traces qu'il va y avoir sur les os. Est-ce que la personne a eu un coup d'épée, un coup de tournevis, une balle? C'est comme ça que chaque année, il faut le savoir, il y a entre 200 et 400 corps squelettisés qui sont retrouvés en France. Et la France a été un champ de bataille pendant des siècles, ce qui fait que 98% des corps squelettisés, l'action publique est éteinte depuis longtemps, ce sont des soldats. Quelle guerre, ça reste à déterminer parfois. Mais on nous a demandé aussi d'essayer d'authentifier la personne, de l'identifier. Ce corps, était-il un Allemand ou un Français? Était-il du Moyen-Âge ou pas? Et là, les autres techniques qui peuvent rentrer en jeu sont celles de la biologie, bien sûr, bien évidemment, puisque l'ADN, et notamment l'ADN mitochondrial, qui a une résistance beaucoup plus importante que l'ADN du noyau nucléique, eh bien, ça aide parce que ça va déterminer des parentèles, et comme ça, on peut remonter un certain arbre généalogique. À propos de l'identification des corps, Philippe Charlier, et des évolutions des techniques, on peut aussi parler de cette technique que vous utilisez également, hein, qui est la reconstitution faciale. Alors d'abord, je suis totalement d'accord avec François Daoust, hein. C'est vraiment un travail qui est collégial, où toutes les disciplines sont obligées de travailler ensemble, obligées mais de bon cœur, et on ne peut vraiment négliger aucune spécialité. Et notamment, on peut faire appel à des ingénieurs spécialisés, et c'est notamment ce qui est fait à l'IRCGN, un travail de reconstitution, de reconstruction faciale à partir des traits total ou partiel conservé, c'est-à-dire la surface du crâne. Nous, on l'a fait pour certains personnages historiques, une fois que l'identification du crâne était sûre et certaine, ce qui nous permet d'obtenir un réalisme parfois assez troublant. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir un réalisme extrêmement fort. Le danger, en fait, c'est de ne pas faire de l'art, de ne pas tomber du côté artistique et de rester toujours du côté scientifique. Donc, c'est pour ça que les reconstructions de visage à partir d'un masque mortuaire sont parfois plus simples. Il suffisait, entre guillemets, d'animer un masque mortuaire. Là, on n'est pas dans le côté de la criminalistique, on est vraiment dans le côté de la paléopathologie. Mais quand on a, oui, par exemple, la tête d'Henri IV, par exemple, ou quand on a le crâne du marquis de Sade, et qu'on veut reconstituer le véritable visage de l'individu, eh bien, on a maintenant des techniques qui, en superposant par un procédé informatique, et ensuite des retouches, mais qui ne doivent pas être déformantes, on superpose à la surface des traits crâniens de l'individu, des épaisseurs stéréotypées de peau, de muscles, de tissus adipeux, ce qui nous permet d'avoir, alors il y a 10 ans, j'aurais dit, la caricature la plus ressemblante à la réalité. Maintenant, on finit vraiment par avoir des traits de visage qui sont extrêmement, extrêmement fins. Mais à chaque fois, on peut aller beaucoup plus précisément. Quand on a quelques secteurs de peau qui sont conservés, même momifiés, l'examen microscopique va nous donner une concentration de pigments de mélanine dans la couche la plus basale de la peau et du coup nous donnera une vision objective de la pigmentation de l'individu. Quand on a quelques secteurs de poils ou de cheveux qui sont conservés, pareil, on peut injecter non seulement la zone de pilosité de l'individu, parce qu'un crâne, évidemment, on voit pas où sont les poils, ni où sont les cheveux, mais quand on a quelques secteurs qui sont préservés, heureusement, on peut récupérer cette information et la rajouter. Et puis la dernière chose aussi, c'est l'état pathologique de l'individu. L'examen odontologique, et l'IRCGN a aussi une excellente plateforme de paléo-odontologie et d'odontologie médico-légale, eh bien, ça nous rajoute une information, parce que quelqu'un qui est édenté, donc qui a perdu une partie des dents, édenté total, il a perdu toutes ses dents, qu'il soit compensé ou pas par un appareil dentaire amovible ou définitif, tout ça laisse des traces sur le squelette, ça change complètement le visage d'un individu. Et du coup, ça change sa visibilité et son caractère de reconnaissance par des proches, par des témoins, voire même par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un travail qui est multiple, mais j'insiste sur cette nécessité de ne pas faire trop beau. On n'est pas là pour faire de l'art. On est là vraiment pour faire de la science. Philippe Charlier, très rapidement, pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, il y avait aussi un débat historique. Est-ce que la tête d'Henri IV appartient-elle vraiment à Henri IV? Et vous avez apporté un argument définitif à cette question. Oui, oui. Maintenant, on est vraiment sûr et certain que la tête est certaine parce que c'est bien la celle de Henri IV, parce qu'on a superposé en trois dimensions, à nouveau, les traits du massif crânien, toute la face, et puis le masque mortuaire qui a été réalisé en 1610. Et là, c'est-à-dire que vous superposez un nombre infini de points, vous jouez sur plein de courbes d'un côté et plein de courbes de l'autre côté, et donc vous superposez, si je peux dire, l'infini sur l'infini, et ça finit par être statistiquement assez fort, bien évidemment. Et là, on a une correspondance anatomique parfaite entre l'un et l'autre, ce qui vient se rajouter aux 23 autres arguments qu'on avait déjà développés auparavant. Donc oui, c'est bien la tête d'Henri IV, et cette fois-ci de façon définitive. François Daoust, vous souhaitiez réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Charlier, et c'est très bien, on peut travailler ensemble quand vous voulez, c'est un régal. Vous êtes convaincu, et je le suis aussi. Il y a, c'est simplement pour rajouter de l'eau argumentaire qui est de deux sortes. Je le rejoins parfaitement. On ne cherche pas, notamment quand le corps que l'on a entre les mains n'est pas quelqu'un de connu ou qu'on n'a pas son identification et qu'on ne peut pas le raccrocher à qui que ce soit parce qu'on n'a pas d'ADN de comparaison, on n'a pas de photos suffisantes, etc. Surtout pas de faire de l'art lors de la reconstitution faciale, parce que faire de l'art quand on va diffuser le dit portrait fait en reconstitution, on ne suscitera pas de témoignages. Si on reste sur des traits un peu plus grossiers, cela va susciter le témoignage en disant « mais ça me rappelle ma voisine qui a disparu à telle époque, il y a quelque temps, etc. » C'est arrivé à susciter cet intérêt pour le plus grand nombre de personnes. Et la deuxième chose, c'est la confirmation qui peut être faite lorsqu'on a la pigmentation de la peau, lorsqu'on a quelques poils et tout, par l'ADN qui permet de travailler sur la partie codante et qui permet de donner un quasi-portrait robot grâce à ces parties codantes qui vont dire confirmation que les yeux étaient clairs, que la coloration de la peau était avec telle pigmentation, que les cheveux étaient comme ça, etc., etc. Alors doit-on s'attendre justement à une nouvelle révolution comparable à celle de l'ADN? Que va-t-il se passer dans le futur pour la criminalistique? On en parle, mais après avoir écouté cette prélude pour Film Noir. Thank you. deep beneath the bridge. One plays the violin and sleeps inside a fridge. It was a murder in the red barn, murder in the red barn. Someone's crying in the woods, someone's burying all his clothes. Now slam the crank from Weezer, slept outside last night. Murder in the Red Barn de Tom Waits en direct sur France Culture, car nous parlons de sciences forensiques, de criminalistique. On en parle avec nos deux invités du jour, François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire qui dirige le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ainsi que la Forensic School de l'université de Cergy-Paris, et avec Philippe Charlier, médecin, archéologue et anthropologue. Nous parlons donc de sciences forensiques, cette science qui fait appel à de multiples domaines tels que la chimie, la biologie, encore la physique. Parmi les approches scientifiques qui permettent d'éclairer des énigmes criminelles, il y a l'anthropologie forensique qui est devenue incontournable. On en parle avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour, Natacha. Pour le reportage du jour, vous êtes allée au département anthropologie hématomorphologie de l'IRCGN à Pontoise pour découvrir le potentiel de cette discipline à l'étude des cold cases. Et oui, pour répondre aux besoins des enquêteurs et magistrats, dans des délais souvent très tendus, pourtant il faut bien du temps et de la rigueur pour décupler les capacités d'observation et de logique et inférer la cause d'un décès ou bien l'identité d'une personne. La capitaine Gaëlle Placet procède ainsi par une approche pluridisciplinaire, sciences forensiques, médecine légale, odontologie, imagerie et physico-chimie, avec un regard global mais surtout délesté de biais pouvant altérer l'examen. Alors, vous êtes ici dans les locaux de l'Institut de recherche criminelle, en l'occurrence le laboratoire d'anthropologie et hématomorphologie, également partagé avec le département médecine légale en odontologie. Alors, vous avez en l'occurrence ici la salle où on procède à l'ensemble de nos examens majoritairement visuels, macroscopiques. C'est ici que tout commence ? Alors, c'est ici que commence l'arrivée des scellés. Alors, nous avons à la fois une vitrine qui contient notamment des moulages qui nous permettent d'avoir des points de référence. On a également un banc reprographique, donc avec différents types d'appareils photo qui nous permettent de faire les prises de vue, de détails, mais également cette grande table centrale sur laquelle on va disposer les éléments osseux. On va notamment procéder au repositionnement des éléments squelettiques afin d'avoir le squelette dans son intégralité et de pouvoir le percevoir dans sa globalité. On a souvent ce dilemme en anthropologie de se dire « j'analyse un os ou j'analyse l'ensemble du squelette ». Comment je le dispose ? Comment je dispose l'ensemble des éléments pour pouvoir repositionner par exemple l'os du carpe avec le second os du carpe pour lequel j'ai déjà une lésion ? Est-ce qu'elle est continue ? Est-ce qu'elle est discontinue ? Est-ce que, à l'inverse, j'ai des phénomènes par exemple de position qui ont entraîné forcément une trajectoire, par exemple quand on utilise une arme, qui ne serait pas classique comme en archéologie. Mais c'est donc difficile de reconstituer une cohérence en l'absence d'hypothèse de départ. Alors, on n'a pas d'hypothèse. Et justement, si on part sur une hypothèse, pour moi, on est complètement hors cadre. On n'est pas là pour avoir des hypothèses. On n'est pas là pour être déjà biaisé à notre étude. Je veux d'ailleurs généralement ne pas avoir d'éléments. Parce que si on a des éléments, on risque d'être biaisé. Or, le but d'un expert, c'est d'être objectif. Tout bêtement, la détermination d'origine humaine ou animale, rien que par des photographies, on est en capacité d'aider les unités de terrain à cet effet. Mais également, le type également de fracturation. Certains vont passer à côté en se disant bon, « c'est classique ». Non, c'est pas parce que j'ai une fracturation post-mortem que je vais pas prendre le temps nécessaire, passer sous le binoculaire, etc., pour m'assurer que, en fait, ce que je perçois est bien une fracturation post-mortem et n'est pas, en fait, une fracturation post-mortem qui est survenue sur une fracture périmortem initiale. Sinon, on rate complètement le coche. En l'occurrence, Les locaux ont une partie laboratoire, donc d'études. C'est là où on va traiter la majorité des scellés judiciaires. Et une partie également dédiée plus à l'imagerie médicale, donc avec un scanner qui permet l'acquisition d'images avant toute ouverture de scellé, et également une partie plus dédiée à la radiologie. Et il est possible aussi de faire appel à d'autres technologies d'imagerie, comme la microtomographie, et également faire appel à d'autres techniques ou procédés. Je pense plus particulièrement à micro-analyse ou à balistique, qui apporte également une réelle plus-value dans l'étude, notamment lésionnelle, des restes osseux qui nous sont confiés. C'est ça aussi la plus-value de l'Institut de recherche criminelle, c'est de pouvoir, de façon collégiale, pluridisciplinaire, traiter d'un cas pour pouvoir justement résoudre, en l'occurrence, une partie seulement de l'étude. Parce qu'en l'occurrence, notre domaine d'expertise n'est qu'une toute petite part. On ne participe pas vraiment à l'enquête, on ne travaille pas au profit des enquêteurs, on travaille à la manifestation de la vérité. Alors ici, vous avez la salle radio. Donc avec l'utilisation d'un capteur radiologique, on va pouvoir procéder à la radiographie de n'importe quel ossement. Et ça nous permet de pouvoir employer cette technologie qui a un coût et qui est très difficile d'accès pour la majorité des autres praticiens dans le domaine de l'anthropologie, qu'ils soient classiques ou du domaine de l'archéologie. L'apport de l'anthropologie forensique, c'est avant tout mise en œuvre de l'anthropologie dite classique, généralement assez proche de l'archéo-anthropologie, mais toujours sur scène de crime. On est en train de parler de scène de crime, on est en train de parler de personnes, de victimes potentielles, ou de personnes tout simplement non identifiées encore actuellement. Je pense plus particulièrement, par exemple, au cas des personnes enterrées sous X, qui est une vraie problématique et qui fait écho, on va dire de façon plus générale, au cold case, avec des problématiques d'identification de la personne, qui nécessitent de dépasser les approches parfois un peu classiques en intégrant la réflexion des sciences forensiques et l'apport justement pluridisciplinaire d'autres disciplines assez proches. Je pense à la médecine légale, je pense à l'odontologie, même aux analyses physico-chimiques d'autres départements, qui sont essentielles dans notre compréhension. Mais il faut toujours, en tant qu'expert, se poser la question en se disant « je ne sais pas tout » et dire « je ne sais pas ». Et faire appel à d'autres experts de façon complémentaire. On essaye d'apporter le maximum d'éléments. Est-ce que ces éléments seront suffisants pour la résolution de l'enquête ? C'est pas à moi d'en juger. D'ailleurs, le but est d'apporter les éléments en vue du procès pénal. Et ça sera, à l'inverse, lors de la session d'assises, qu'il y aura ou non une conclusion sur l'affaire considérée. Nous, on est là juste pour apporter un éclairage en fonction de notre domaine d'expertise pour le magistrat et l'instruction. Et je pense, y compris à des dossiers judiciaires qui ne sont pas forcément dits cold case, si on ne les traite pas correctement, si on ne leur apporte pas la minutie de l'observation de l'anthropologie, un vrai traitement sur le long terme, eh bien ça deviendra des cold case de demain en réalité. Case de demain, on en parle dans quelques instants. Merci Céline Lozen pour ce reportage. François Daoust, à l'écoute justement de ce reportage, vous avez une petite précision à nous apporter au bout de 43 minutes d'émission. Oui, c'est qu'on croit trop souvent que forensique d'origine anglaise, et ça nous est revenu en boomerang, c'est vrai, avec des séries américaines, quelles qu'elles soient. Et en fait, quand on est un petit peu curieux, et qu'on lit, là, pour ceux qui sont très curieux, pour aller voir des petits articles, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert faisait état de la médecine forensique. Cinéa Forensis, qui en fait est maintenant la médecine légale. La France a perdu ce nom, et les Suisses français l'ont gardé, les Belges l'ont gardé, les Canadiens français l'ont gardé, et nous le retrouvons depuis une vingtaine d'années avec petite interrogation, et en fait ça vient du forum, c'est un mot latin, la justice des anciens était rendue sur le forum, la science forensique, c'est cette science avec tous ces domaines qui participent à la justice. Philippe Lherlier, pour prolonger ce qui vient d'être entendu, quelles sont à vos yeux aujourd'hui les limites des techniques de criminalistique actuelles ? D'abord, pour prolonger ce que dit mon confrère, le meilleur médecin légiste et le meilleur criminologue n'est pas le plus précis, c'est le plus prudent. c'est-à-dire une heure du décès à la minute près, c'est ridicule. Alors, sauf évidemment quand on a, je dis à partir d'un cadavre par exemple, et quand on a une vision sur une vidéo ou autre chose, ou un pacemaker, ou encore une montre connectée comme l'exemple a été donné, c'est différent. Donc, il y a vraiment une limite à poser qui est celle de l'exactitude. Et quand on travaille sur des squelettes, dire par exemple à partir d'un squelette que c'est le squelette d'une femme de 38 ans et 6 mois, ben ça aussi, ça n'est vraiment pas possible d'être aussi précis que ça. Donc on essaye de rétrécir au maximum la fourchette d'évaluation de l'âge au décès de l'individu. Éventuellement, on essaye d'approximer aussi au maximum l'ancienneté des restes, c'est-à-dire le délai qui sépare la mort ou l'enfouissement et le moment où on examine les éléments du squelette. Mais à nouveau, le meilleur praticien n'est pas forcément le plus précis. Parce qu'ensuite, d'abord, on rend un rapport. Ce rapport, il est considéré comme irrévocable, en tout cas dans l'état actuel de la science, et qu'ensuite on va en cour d'assises parfois témoigner sur ce qui est arrivé. Ce que j'aime particulièrement, moi, c'est les développements croissants qui existent entre les différents courants. L'archéologie, par exemple, je pense à mon confrère Patrice Georges de l'INRAP, qui s'implique de plus en plus dans les fouilles archéologiques et l'utilisation de l'archéologie pour le dégagement des cadavres, notamment en lien avec la gendarmerie nationale, pour l'identification et le dégagement de cadavres tantôt isolés, tantôt de ce qu'on appelle des mass graves, c'est-à-dire des sépultures ou des enfouissements collectifs. Et ça prend tout son sens, notamment quand on travaille dans d'autres endroits qui sont à l'autre bout du monde ou parfois à l'autre bout de l'Europe, où il y a malheureusement des guerres ou des règlements de compte. Ma collègue Tania Delabarde, par exemple, à l'IML de Paris, travaille également sur des crimes, crimes de guerre, parfois anciens, parfois récents, et puis aussi sur des catastrophes naturelles qui font des morts nombreux au même moment et au même endroit. Et donc, on voit que l'archéologie, que la médecine légale, que la criminalistique, mais également que la paléopathologie ont à chaque fois leur petit rôle à apporter pour devenir de plus en plus précis, pour identifier de mieux en mieux, de plus en plus vite. Et là, c'est pour l'efficacité de la justice, pour la mémoire des témoins qui s'effiloche au fur et à mesure du temps, et puis parfois les preuves qui disparaissent aussi au fur et à mesure du temps, et puis aussi pour éviter que les crimes restent impunis, tout simplement, et que les auteurs des faits ne partent eux-mêmes dans la tombe sans qu'on ait identifié leurs victimes. D'ailleurs, à propos d'une meilleure précision, et pour continuer sur cette question des limites de la criminalistique actuelle, François Daoust, la microscopie électronique donc, a connu un grand boom dans les années 80, elle a apporté de nouvelles capacités, mais vous dites, on va plus loin, plus on va loin dans l'infiniment petit, plus on a de bruit de fond. Oui, c'est ça. C'est on trouve niveau clair. Exactement. On trouve beaucoup de choses et tout d'un coup, qu'est-ce qui va permettre de distinguer l'ensemble des éléments qui vont être révélés de ceux qui sont déterminants avec l'action criminelle ? De ce qu'on espérait l'infiniment petit, eh bien, comme le disait tout à fait le docteur, il vaut mieux être généraliste et avoir une vision globale que d'être ultra précis, parce que qu'est-ce que veut dire, même chose pour l'ADN, la présence d'une seule cellule d'ADN sur une scène de crime. Bien, au regard des développements et comment c'est volatile, et la possibilité de transferts croisés multiples, on en est maintenant à 3, 4, 5 transferts avec les recherches et les études qui ont été faites, qui montrent que finalement, moins on a d'ADN, moins de cellules, moins on peut être affirmatif sur le fait que cette cellule soit directement liée au crime. Il faut réussir à déterminer si on fait face à de l'ADN de transfert ou si on fait face à un véritable dépôt d'ADN. C'est ça. Mais alors justement, pourquoi dans certains cas, là on parle de ces limites-là, mais pourquoi dans certains cas les sciences criminalistiques butent-elles ? Par exemple, l'affaire du petit Émile de l'été dernier, l'affaire est très récente et l'enquête est toujours en cours. Oui, alors il y a deux volets. Il y a le volet, qu'est-ce qu'il y a comme trace présente sur la scène de crime ? Hélas, il n'y en a pas tous les jours. Vous avez, par exemple, en empreinte digitale ou en ADN, vous avez des personnes qui sont des super donneurs. Et vous en avez d'autres qui, au contraire, ont les mains très sèches, très lisses, et ils ne vont pratiquement rien donner, donc rien transférer. Sur une scène, et l'espèce était une scène assez importante, plus qu'importante, puisque les recherches ont fait l'équivalent de 6000 terrains de foot, il faut le savoir, et autour de la maison et dans le village, on a pratiquement aucune trace. Et à partir de ce moment-là, la science, sans qu'il y ait de quoi analyser, eh bien, elle bute sur le vide. Mais vous parliez aussi, on parlait au tout début d'émission, des données numériques. Dans ce cas-là, il y a énormément de données également à traiter. Alors, c'est des données brutes en plus. Exactement, les données sont énormes, d'autant plus qu'il y a une autoroute qui passe à proximité et que vous allez avoir un nombre de bornages, nombre d'identifications de véhicules, etc., etc. Ces données ne sont pas données. Nous, on a l'impression qu'on va avoir un tableau Excel tout classé et qu'on va voir tout de suite qui est qui. Non, les fournisseurs d'accès qui ont collecté tout ça, eh bien, ils vous donnent d'une manière brute ces données. À vous de développer des logiciels maison pour les classer, pour les déterminer, pour les remettre dans une frise chronologique. Et au-delà de la frise chronologique, c'est une géolocalisation pour voir si on n'est que sur l'autoroute ou si, au contraire, on a dans la triangulation le passage dans la zone. Et ça, quand vous en avez des milliers et que à la fin, c'est, même si vous vous faites aider d'un logiciel maison, ça va durer des semaines et des semaines. Dans 2 minutes très précisément, on retrouve la chronique Avec Science d'Alexandra Delbaume. Mais avant ça, Philippe Charlier, on vient de parler des avancées historiques, des limites. Selon vous, quelles sont les pistes de progrès pour la science criminalistique ? Je pense que la protéomique est vraiment une très très bonne voie, mais à nouveau, ça génère une quantité de données extrêmement importante et il faut filtrer parce que sinon, on se fait écraser par les données qu'on obtient. Je pense que l'imagerie, on en a parlé, mais l'imagerie nous permet maintenant de reconstituer des organes qui ont disparu. Par exemple, pour Henri IV, mais c'est pas forcément l'organe qu'il a le plus utilisé, plutôt pour Descartes, on a pu reconstituer le cerveau de René Descartes, le philosophe et mathématicien, etc. à partir de son crâne, sachant que l'organe a complètement disparu, le crâne est maintenant vide, il est conservé au musée de l'Homme à Paris. Eh bien, en faisant la reconstruction en 3 dimensions du cerveau de cet individu, on ne s'est évidemment pas lancé dans la phrénologie, vous savez, la bosse des maths, la bosse des idées ou des arts, qui est une pseudo-science. On a fait plutôt un examen en neuroanatomie. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut voir toutes les zones corticales de cet individu, leur surface en tout cas. On peut voir également la vascularisation, les asymétries, et donc on peut tenter de reconstituer un tout petit peu, non pas la façon avec laquelle le cerveau marchait, mais en tout cas la base de fonctionnement anatomique et uniquement externe. On n'a pas un seul neurone, donc on n'a pas l'intérieur, on n'a que la surface du cerveau, mais c'est déjà pas mal, surtout quand l'organe n'existe plus. Donc cette reconstruction virtuelle, mais en 3 dimensions, nous permet de reconstituer les organes et du coup de remonter un tout petit peu le temps et de rentrer dans l'anatomie intime, si on peut dire, ou intérieure d'individus historiques. Et bien, en prenant en compte les avancées technologiques à venir, l'amélioration de l'IA et des algorithmes, la simplification des routines d'analyse, François Daoust, on peut s'attendre à ce que l'IA aussi permette d'aller plus vite dans les méthodes d'analyse, dans les méthodes d'enquête. Tout à fait. Donc là, c'est ce à quoi travaille d'ailleurs le département des sciences de la donnée et l'IRCGN actuellement, c'est développer des algorithmes dont on connaît la teneur, la constitution, les données, comment ils les traitent, de façon à avoir des outils qui permettent d'aller plus vite, aller chercher par exemple les cellules à travers un microscope qui vont être utiles à l'extraction de l'ADN plutôt que de le faire à l'ancienne et prendre des jours. Là, on voit que ça va aller beaucoup plus vite, y compris pour l'interprétation. Voilà, c'est le cas de l'ADN dit rapide. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique Avec Science. Mais avant, je rappelle à nos auditeurs que votre ouvrage, François Daoust, vient de paraître aux éditions du Rocher, décidément, Police technique et scientifique, le choc du futur. Merci François Daoust, merci Philippe Charlier. Et puis on retrouve Alexandra Delbaume, c'est la chronique Avec Science. Comment protéger les populations du virus Nipah ? L'OMS l'a inscrit récemment sur la liste de la petite dizaine d'agents pathogènes émergents susceptibles de provoquer des épidémies majeures à l'avenir. Et comme souvent, il s'agit d'une zoonose, d'une maladie portée par certains animaux, comme les chauves-souris. Elle peut aussi se transmettre aux cochons et plus rarement aux chevaux, ainsi qu'entre êtres humains. Le virus a d'abord été identifié en 1999 en Malaisie, puis s'est propagé dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, au Cambodge, au Bangladesh et en Inde, et ce qui inquiète, c'est sa mortalité. Quand il infecte, il tue souvent. Yves Lévy est médecin, professeur à l'université de Créteil, directeur de l'Institut de recherche vaccinale à l'hôpital Henri Mondor à Paris, et co-dernier auteur de cette étude parue dans Cell Reports Medicine. Le taux de mortalité est très élevé, de à peu près 75 à 90%. La dernière épidémie qui a eu lieu en Inde en 2018-2019 a eu un taux de mortalité extrêmement élevé. Donc on est dans un phénomène dans lequel le virus est, effectivement tellement dangereux et avec une mortalité tellement rapide qu'en fait, on n'a pas une diffusion comme une pandémie, comme on l'a pu le voir avec d'autres virus où il y a une transmission interhumaine, mais il y a une période d'incubation assez longue qui fait que bien, les gens peuvent se déplacer et éventuellement transmettre l'épidémie. Et la maladie, elle se caractérise par des signes importants, comme de la fièvre très importante, mais des signes aussi pulmonaires, avec comme une infection pulmonaire grave, des signes neurologiques, et généralement ce qu'on appelle une vascularite, c'est-à-dire une inflammation de l'ensemble des vaisseaux qui crée une maladie qui est très très rapidement mortelle. Un temps d'incubation court et une maladie rapidement mortelle parce que le virus Nipah infecte beaucoup de types cellulaires différents et provoque une maladie vasculaire diffuse et c'est ce qui le rend très dangereux. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de moyen de s'en prémunir. Un traitement existe à base d'anticorps monoclonal, mais il n'est pas facile à déployer dans ces régions du monde. Alors, l'enjeu à présent, c'est de produire un vaccin et le candidat développé dans cette nouvelle étude présente plusieurs particularités. D'abord, il a été créé à partir d'une plateforme vaccinale. Cela signifie que le vaccin n'a pas été créé de toutes pièces pour l'occasion, mais que plusieurs d'entre eux sont actuellement en développement pour différentes maladies avec le même squelette, notamment des vaccins contre le VIH et contre le papillomavirus. Donc, il s'agit du même vaccin que l'on adapte très légèrement à chaque pathogène. Et c'est la seconde particularité de l'étude. Le menu de départ contient une sorte de véhicule. Un anticorps va conduire des bouts de ce virus aux cellules dendritiques qui sont aux premières lignes de défense. Mieux ciblées vers qui adresser les morceaux de choix du pathogène permet de développer une meilleure réponse immunitaire. Résultat, ce candidat vaccin démontre une protection complète chez des singes modèles qui reproduisent les mêmes symptômes de la maladie que les humains. Et donc on a montré que les anticorps qu'on avait induits chez la souris dans des manips classiques de vaccination étaient capables de neutraliser le virus. Donc ça, c'était une étape importante pour passer à un modèle plus compliqué. Ce sont des singes qui sont particuliers, qu'on appelle des singes verts, parce qu'ils récapitulent la maladie quand on les infecte avec le virus Nipah. Donc on a vacciné ces singes et on les a ensuite mis en deux groupes, un groupe qui a reçu le vaccin et un groupe qui n'a pas reçu le vaccin. Et ensuite, ils ont été infectés par le virus. Et on a suivi cette infection et qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, les résultats étaient assez démonstratifs, puisque 100% des singes vaccinés ne sont pas décédés, alors que 100% des singes qui n'ont pas reçu le vaccin sont décédés. Et ensuite, nous avons analysé évidemment la réponse immunitaire avant cette infection, et on a vu que les anticorps étaient très importants, qu'ils étaient montés très rapidement dans le sang et qu'ils étaient neutralisants, et qu'ils sont aussi neutralisants vis-à-vis des autres souches de Nipah. Après vaccination, on ne détecte plus aucune trace de virus chez les animaux que l'on a tenté d'infecter, ce qui s'apparente à une vaccination à protection stérilisante. C'est le profil d'immunisation le plus complet qui existe. Un pas encourageant pour une maladie dont les signes, même atténués, peuvent être très graves. La prochaine étape pour ce candidat vaccin appelé CD40-NIV, c'est une recherche de financement pour produire le premier lot clinique afin de démarrer des essais. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Garance Préma Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Lucas Finet. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.